Vous voulez le voir quand, cet appartement? Demain? Mercredi? Je préfère mercredi parce que je ne travaille pas. Le matin ou l'après-midi? Ben, je voudrais venir avec mon mari. Alors, attendez, je regarde son emploi du temps. Oui, c'est ça. Le matin, il a un cours à l'université de 9h à 11h. Mais après, il est libre. C'est pareil pour moi. J'ai une réunion de 9h à 10h. Après, c'est bon. Vous voulez en fin de matinée? À 11h30, par exemple? Je suis désolée, c'est pas possible pour moi. J'ai un rendez-vous chez le médecin. C'est à 10h30, mais on doit souvent attendre. Alors, l'après-midi? Moi, je suis occupée de 16h à 17h par une visite. Mais avant ou après, pas de problème. Ben, je préfère avant, parce qu'en fin d'après-midi, mon mari a l'habitude de faire du sport. Bon, c'est pas une obligation, mais... À 14h, à l'agence? Entendu, à 14h.